Monsieur X avait le sourire aux lèvres. Était-ce parce qu'il y avait dans l'air comme un parfum de printemps? Je ne sais, mais j'étais à peine entré que mon interlocuteur m'a apostrophé. Je vous raconte toujours des histoires dramatiques où il y a des morts, des trahisons. Eh bien, pour une fois, changeons de registre. En fouillant dans mes souvenirs, j'ai retrouvé une affaire complètement farfelue. Il s'est tu un instant, il avait toujours cet air malicieux que je lui avais trouvé en entrant, puis il a ajouté. Remarquez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort dans mon histoire farfelue. J'ai installé mon magnétophone et Monsieur X a commencé. Farfelue, oui, elle l'était son histoire, truffée de rebondissements, de filouteries, de mensonges et c'est vrai, de disparitions mystérieuses. Au départ, il y a un trésor, un fabuleux trésor qu'on a appelé abusivement le trésor de Rommel. Un trésor qui aurait été composé de pièces d'or, de lingots d'or et de platine, de vaisselle d'or, de ciboires, de chandeliers, de statuettes et de pierres précieuses, sans compter quelques tableaux de maîtres, pas moins. Toutes ces richesses auraient été accumulées par une unité secrète de la Gestapo, la Divisionsschutzkommando. Créée par Himmler et ne dépendant que de lui, cette unité avait pour mission de suivre l'armée régulière et de rafler au passage œuvres d'art, devises et objets précieux. Un commando de cette division était attaché à l'Afrika Korps, commandé par le maréchal Rommel. En Éthiopie, il aurait pillé les trésors du Négus. En 1943, après la défaite du renard du désert, les membres du commando transfèrent toutes ces richesses sur le continent. En Italie, où plus probablement en Corse. Mais l'île de Beauté va bientôt être libérée. Les combats sont violents sur terre comme sur mer. En septembre, l'aviation alliée pilonne les dernières troupes allemandes. Le trésor, enfermé dans 6 caisses métalliques étanches, est chargé sur une embarcation qui doit rejoindre la côte italienne. Les bombardements s'intensifient, accidents ou mesures de prudence. Les caisses sont immergées quelque part à proximité de Bastia et la légende commence. Elle ne cessera d'enfiévrer les imaginations et de susciter de nombreuses convoitises et encore aujourd'hui. Alors, la Corse, nouvelle île au trésor. Au centre de cette affaire, il y a un homme, un certain Peter Flegg, drôle d'oiseau. Pourquoi drôle d'oiseau? D'abord parce que Flegg n'est pas son nom. Il a usurpé cette identité. Oui, enfin, je vais vous expliquer comment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce type n'a cessé de mentir et de raconter n'importe quoi. Or, Flegg, continuons de l'appeler ainsi, est le seul homme à savoir où se trouve le trésor de Rommel. Si ce trésor existe, bien entendu. Ouais. Une parenthèse d'abord, pourquoi vous, enfin, l'homme des services secrets, hein, vous êtes-vous intéressé à une histoire de trésor? Bonne question. Ben, se trouve qu'à plusieurs reprises, des gens des services ont été mêlés à cette affaire et à ses multiples péripéties. Ouais, mais pourquoi? Parce que beaucoup de types ont tourné autour de ce trésor, et pas toujours des gens recommandables. Par conséquent, les autorités françaises ont longtemps eu à l'œil ces étranges chercheurs de trésors. Des gens pas recommandables, et il faut quand même en dire un peu plus. Ben, des anciens nazis, par exemple, et des hommes du milieu, ou bien les deux ensemble. Ça vous va comme réponse? Ouais, il faudra bien que je m'en contente, si je comprends bien. Tout à fait. Alors, parlez-moi de ce champion du mensonge, là, ce nommé Flegg. Il apparaît dans cette histoire en 1948, à Trèves, exactement. L'Allemagne, donc. Oui, ouais. Et dans le secteur français d'occupation. Flegg se présente aux autorités consulaires. Il veut un visa afin de pouvoir se rendre en Corse. Pour faire du tourisme? Enfin, c'est ce qu'il affirme, oui. Mais naturellement, au consulat, on se méfie. Bah, pourquoi on se méfie? La guerre n'est terminée que depuis 3 ans et la chasse aux anciens nazis continuait. Donc on demande à un policier français détaché en Allemagne de procéder à une enquête. Et ce flic qui parle parfaitement la langue allemande se rend tout de suite compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Quoi? Le nommé Flegg prétend qu'il est tchèque, tchèque des Sudètes. Donc d'origine allemande? Oui, mais il parle allemand avec un fort accent souabe. Donc il ment? Assurément, ce n'est pas tout. Car ce policier qui l'interroge découvre que Flegg porte sur le bras gauche une cicatrice. Exactement à l'endroit où les SS portaient un tatouage mentionnant leur groupe sanguin. Donc c'est un ancien SS? Absolument. Vous pensez bien que le policier pousse plus avant son interrogatoire, et Flegg finit par parler et raconter une extraordinaire histoire. Je vous écoute, alors. Flegg affirme d'abord qu'il a reçu une formation de scaphandrier dans le port italien de La Spezia, où il a travaillé jusqu'en 1942, date à laquelle il a été arrêté par les Allemands. Arrêté pour quelle raison ? Réfractaire au service militaire, originaire des Sudètes, donc considéré comme un Allemand, il aurait dû rejoindre l'armée allemande. Toutefois, en raison de ses compétences professionnelles, Flegg est autorisé à rester à La Spezia. Mais il travaillera désormais pour les Allemands. Et pour faire quoi, alors ? Enfouir des bateaux, par exemple. Mais en septembre 1943, sa vie bascule. Des SS, commandés par un certain lieutenant-colonel Dahl, viennent le chercher. Ils ont besoin de lui pour accomplir une mission confidentielle en Corse. Et il sait de quoi il s'agit ? On ne lui dit rien, sinon d'observer le secret le plus absolu sur ce qu'il va voir et faire. Il est d'abord conduit dans un couvent situé dans les environs de Bastia. Là, il assiste à une scène étonnante. Les SS de Dahl chargent un véritable trésor dans 6 caisses métalliques. 6 caisses qui sont ensuite soudées afin de les rendre étanches. Et il a donc vu de ses yeux ce trésor. Ah, c'est ce qu'il déclare. Ouais. Et de quoi se composait le fameux trésor, là ? Flegg affirme qu'il y avait des monnaies en or, des pierres précieuses, mais aussi de splendides croix épiscopales. Il dit aussi que 2 des caisses contenaient essentiellement des tableaux. Tous ces objets ont été raflés en Éthiopie ou en Libye pendant les campagnes de l'Africa Corps. C'est pourquoi on parlera à tort du trésor de Rommel. Ouais. Mais que vient faire Flegg dans cette affaire ? Ben, j'y viens. Les caisses sont transportées jusqu'au port de Bastia et chargées sur une vedette équipée d'une grue. Les SS et Flegg prennent aussitôt la mer. La mission du scaphandrier est de trouver une grotte sous-marine où seront cachées les précieuses caisses. Pourquoi les cacher ? Ben, les troupes nazies étaient alors sur le point d'être chassées de Corse et il y avait urgence. D'accord, mais cette vedette aurait pu aussi prendre la direction de l'Italie. Ben, les SS craignaient peut-être d'être interceptés en route par un bâtiment allié ou la chasse aérienne. Puis moi, je vous donne la version de Flegg, n'est-ce pas ? Enfin, l'une de ces versions, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres. Bon, alors, continuez sur cette version-là. Flegg trouve une grotte ? Oui, à peu près à 7 km au sud de Bastia, pas très loin de l'embouchure du Golo. Et il procède à l'immersion des 6 caisses. Naturellement, l'endroit est soigneusement repéré sur une carte marine. Et ensuite, alors ? Les SS et Flegg reviennent à La Spezia, mais dès leur arrivée, ils sont arrêtés par la Gestapo. Des SS arrêtés par la Gestapo ? Oui. Ces hommes faisaient partie d'une unité très spéciale chargée d'accompagner l'armée et d'amasser tout le butin qu'il était possible de trouver. Mais ils agissaient en marge et ne rendaient des comptes qu'à Himmler lui-même. Autant vous dire que ces pillards n'étaient pas très populaires dans l'armée allemande. Oui, ça je veux bien le comprendre, mais il bénéficiait quand même de la protection de Himmler pour lequel il travaillait. Là, ce n'est pas si simple. Le Reichsführer, en les défendant, aurait dû reconnaître que cette unité effectuait à sa demande des missions illégales. Par conséquent, il les a laissés tomber. Et les choses n'ont pas traîné. Dahl et 2 de ses hommes ont été traduits devant un conseil de guerre et presque aussitôt fusillés. Et Flegg, lui ? Ben, il s'en est sorti, lui, parce qu'il n'avait fait qu'obéir. Mais on l'a quand même incorporé dans une unité de Waffen-SS et envoyé sur le front de l'Est. Puis après la guerre, il a été interné 2 ans et demi. Et alors, c'est ce qu'il raconte à ce policier français. Oui, par le menu. Ouais. Et s'il veut aller encore, c'est pour récupérer les caisses. Bien sûr. Et de dire aussitôt qu'il est prêt à collaborer avec les autorités françaises et les services compétents. Ouais. Il doit quand même demander une petite part du gâteau. Oui, enfin pour lui, l'important n'est pas là. En permettant à la France de récupérer ses biens pillés par les nazis, il aura l'impression de payer une sorte de dette. Ouais, bon prince en somme. Tout à fait. Ouais. En tout cas, d'après lui, puisque les autres témoins ont été fusillés, il est le seul à savoir où a été immergé le trésor. C'est tout à fait ça, oui. Ouais. Donc il est indispensable. Vous avez compris. Ouais. Mais est-ce que ce policier français qui interroge Flegg accorde foi à son témoin ? Dans les grandes lignes, oui. Même s'il soupçonne Flegg de ne pas dire toute la vérité, en particulier sur ses origines. En tout cas, il envoie un rapport à Paris et très vite, le gouvernement se montre intéressé. On flaire la bonne affaire. En ces temps de vaches maigres, on ne peut pas négliger un trésor aussi considérable. Car d'après Flegg, il y en a pour des millions et des millions de marques. Ouais. Flegg est donc autorisé à aller en Corse. Oui, et sur décision gouvernementale, le service des ponts et chaussées débloque 1 million de francs pour cette tentative de récupération du trésor. Enfin, vous imaginez bien, on va surveiller étroitement le scaphandrier. Oui, parce qu'on n'a pas tout à fait confiance. Bien évidemment. Et la suite des événements va le prouver rapidement. Mais si on avait étudié d'un peu plus près les déclarations de ce Peter Flegg, on n'en serait peut-être pas arrivé là et on aurait fait économiser 1 million de francs en trésor public. Jean-François Serre, dans un livre consacré au trésor de Rommel, livre paru en 1991 chez Grasset, reproduit le procès-verbal de l'interrogatoire de Flegg tel qu'il a été recueilli par l'inspecteur Scherer à Trèves. En voici les dernières lignes. Je viens d'être libéré d'un camp d'internés civils situé en Tchécoslovaquie, à Bemchao, où j'ai passé 2 années et demie d'internement. Je suis actuellement le seul témoin en vie au courant de cette affaire et je m'engage à participer personnellement au renflouement au large de Bastia. Je n'ai qu'un désir, c'est de prouver ma bonne foi et de servir en France dans mes spécialités. Je me charge, une fois rendu sur place, de ramener ce trésor dans un délai de 8 jours. J'espère, par ces déclarations, aider le gouvernement français à récupérer une partie des biens qui ont été pillés par les Allemands et qu'en signe de reconnaissance, les autorités françaises profitent de mes capacités exceptionnelles en me permettant d'exercer mon métier de scaphandrier de grands fonds au service de la France comme travailleur libre. Par qui Flegg est-il surveillé en Corse? Par un commissaire français qui ne le quitte pas de l'œil. Un commissaire qui l'accompagne jusque sur le bateau où il monte chaque jour pour aller. Est-ce que l'opération a donc commencé? Oui, selon les indications données par Flegg, les recherches débutent au sud de Bastia. Mais très vite, on s'aperçoit que Flegg, qui ne trouve rien au fond de la mer, est en train, si je puis dire, de mener les autorités françaises en bateau. C'est-à-dire? Mais il y a un ingénieur sur le bateau, un spécialiste des travaux sous-marins. Un homme qui parle en outre parfaitement l'allemand. Et rapidement, cet ingénieur a la conviction que Flegg est un fief et menteur. Mais comment arrive-t-il à cette conviction? Souvenez-vous, Flegg prétend qu'il a caché les caisses dans une grotte sous-marine. Or, à l'endroit où Flegg demande à plonger, il n'y a que du sable, rien que du sable. D'autre part, l'expérience de scaphandrier de Flegg semble assez succincte pour un type qui prétend avoir appris le métier dans les années 30. Et ce n'est pas fini. Flegg a déclaré qu'il avait caché le trésor à 50 mètres de fond. C'est impossible. Avec le type de scaphandre qu'il a utilisé, on ne peut pas descendre à plus de 40 mètres. Le scaphandre, là, c'est un scaphandre classique relié par un tube à la pompe de surface. Ah, oui, un tube et un câble. Oui, oui. Un scaphandre pied lourd, comme on disait. Ouais, parce que les semelles étaient lestées de plomb. C'est cela, oui. Il y a un dernier point aussi. Flegg sait qu'il a immergé un trésor. Comment n'a-t-il pas eu l'idée de prendre des repères à terre pour bien localiser l'endroit où il a plongé? Non, ce type est un fumiste ou alors il cache son jeu. Et votre avis, à vous? C'est la deuxième solution que je choisis. Mais il faut bien un mois à l'équipe qui l'accompagne pour s'en rendre compte. Que se passe-t-il alors? Attendez. Les expéditions quotidiennes de Flegg ne sont pas passées inaperçues à Bastia. Et vous savez que dans cette île que vous connaissez bien, les nouvelles vont vite. Alors bientôt, toute la Corse sait qu'on cherche un trésor, le fabuleux trésor de Rommel, et ça attire du monde. Du monde de quel genre? Comme vous pouvez l'imaginer, le milieu corse s'intéresse à l'affaire. Et justement, une jeune femme très séduisante vient partager les nuits de Peter Flegg. Pour le faire parler sur l'oreiller? C'est évident, oui. Parce que si le scaphandrier n'arrive pas à trouver le trésor là où il le cherche, c'est que les caisses sont immergées ailleurs. Et il est certainement le mieux placé pour le savoir. Ça voudrait dire en tout cas que Flegg faisait exprès d'égarer les autorités. Exactement. Afin de les lasser d'opérer lui-même des recherches plus tard. Voilà, ça me semble assez logique. Et on a même prétendu que le week-end, lorsqu'il ne travaillait pas, Flegg, en compagnie d'un bon ami de sa maîtresse... Un bon ami intruant? Oh, certainement. Donc Flegg, le week-end, ferait des plongées personnelles. Et pas du tout à l'endroit où il cherche la semaine, mais beaucoup plus au nord, le long du Cap Corse. Et c'est vrai, c'est ce... Écoutez, honnêtement, je n'en sais rien. Tout est si embrouillé dans cette histoire. Et par contre, ce que je sais, c'est qu'un beau jour, Flegg est arrêté par la police et incarcéré. Que lui reproche-t-on là, de mentir? Non, c'est plus étrange. Flegg est accusé d'avoir volé une paire de jumelles et une caméra appartenant à la société qui s'occupe du renflouage. Enfin, l'accusation est bidon, car chaque soir, après avoir plongé, Flegg rejoint son hôtel avec cette paire de jumelles et cette caméra. C'est compliqué là, donc il n'y a pas eu vol? Non, tout au plus s'agit-il d'un emprunt. Flegg aurait pu utiliser ses matériels au cours de ses expéditions du week-end. Ouais. Alors pourquoi le met-on en prison? Incontestablement pour le soustraire aux curiosités dont il est l'objet. La curiosité des gangsters? Et celle de certains anciens nazis. Parce qu'on en a vu en Corse. Oui, des types qui considéraient que le trésor destiné à Himmler devait revenir aux associations d'entraide des anciens nazis. Ben voyons. Donc si on met Flegg au chaud, c'est aussi pour le protéger? Je le crois, oui. Et d'ailleurs, quand vient le moment de le libérer après quelques semaines de détention, on se débrouille pour le faire sortir très discrètement au petit matin et sans témoin. Ouais. Et ensuite alors? C'est le mystère. Enfin, il existe plusieurs versions véhiculées par Flegg lui-même. Après sa libération, il aurait été placé en résidence surveillée dans un hôtel de Bastia. Ce n'était pas forcément l'endroit le plus discret. Vous avez tout à fait raison, d'autant que dans cet hôtel, Flegg serait devenu l'amant d'une certaine Concetta, l'épouse d'un ancien commandant SS qui aurait servi sous les ordres du lieutenant-colonel Dahl. Dahl, celui qui a chargé Flegg d'immerger le trésor. Oui. Ou selon vous... Nous sommes complètement tirés par les cheveux. Autre chose, en prison, Flegg aurait fait la connaissance d'un certain Mattei. un gangster. Les deux hommes auraient sympathisé et Flegg peut-être se serait confié à son compagnon de cellule, ce qui expliquerait plus tard l'assassinat de Mattei. Ouais, mais à vous entendre, vous n'y croyez pas. Hein. Non, il existe tellement d'autres raisons pour expliquer l'assassinat d'un truand en Corse. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Peter Flegg disparaît. Il quitte la Corse. Oui. Et nul ne sait où il est parti. Alors, je rappelle, est-ce que vous avez une explication? Eh bien, écoutez, il n'y en a que deux. Ou bien Flegg a tout inventé depuis le début. Et donc le trésor de Rommel n'existe pas? Et dans ce cas-là, Flegg doit se rendre compte qu'il va finir par avoir de réels ennuis avec les autorités françaises. Ou bien, deuxième hypothèse, Flegg a pris peur. Et devant les multiples convoitises suscitées par le trésor, il décide de se cacher. Ouais. Encore une fois, je me demande ce que vous pensez, vous. Enfin, ou ce que vous savez. Bah, très franchement, je crois que le trésor a existé. Donc si Flegg prend la file de l'air, c'est qu'il a réellement peur. C'est probable. Mmh. Et on va même prétendre et écrire que le scaphandrier est mort, exécuté par des gangsters, mais il n'en est rien. Ouais. En tout cas, Flegg, qui se cache, hein, renonce à retrouver un jour le trésor? Provisoirement, oui. Mais un journaliste anglais se lance sur sa trace. Qui? Un certain John Godley, fils d'un lord anglais, lord Kilbracken. Kilbracken, appelons-le comme ça, puisqu'il finira par porter ce titre à la mort de son père. Kilbracken, donc, s'intéresse à cette histoire. Après avoir longuement enquêté en Corse, le journaliste se rend en Allemagne. Afin d'y retrouver Flegg. Bien sûr. Mais avant, Kilbracken découvre que Flegg n'a jamais pu se trouver en 1943 à la Spezia. Pour quelle raison? Parce qu'il était alors hospitalisé en Pologne à la suite d'une blessure de guerre. Donc ça veut dire qu'il n'a pas assisté à l'immersion du trésor. Ça me paraît évident. Kilbracken publie le résultat de son enquête. C'est alors qu'un avocat allemand qui affirme représenter les intérêts de Flegg le contacte. Un avocat qui va d'abord lui révéler quelque chose de tout à fait étrange. Quoi? Eh bien, Flegg n'est pas Flegg. Il a usurpé cette identité. Oui. Donc, ouais. Ça devient de plus en plus compliqué. Enfin, bon, il prétend quand même connaître le secret du trésor? Incontestablement. Mais comment alors, puisqu'il ne se trouvait ni à la Spezia, ni en Corse? Lorsque le journaliste anglais parvient enfin à entrer physiquement en contact avec Flegg, il obtient la version suivante. En 1947, le prétendu Flegg est prisonnier des Américains. Au cours de sa détention, il fait la connaissance d'un nommé Schmidt, un criminel de guerre qui vient d'être condamné à la pendaison. Et là, les deux hommes passent une sorte de marché. Un marché, raconté. Ce Schmidt a fait partie des fameux commandos d'Himmler chargés de rafler les œuvres d'art et les objets précieux. Et il a connaissance de l'existence de trois trésors cachés en Europe. Si Flegg l'aide à s'évader, le criminel de guerre lui livrera le secret de ces trésors. Le marché est conclu? Selon Flegg, continuons donc à l'appeler ainsi pour plus de commodité, oui. Mais le jour même, on vient chercher Schmidt pour l'emmener à la mort. Le Flegg est donc en possession de ses trois secrets? Oui, il contacte les autorités du camp. En gage de bonne volonté et contre sa libération, il livre des renseignements sur les deux premiers trésors. Mais il garde des renseignements sur le troisième pour lui. Le trésor de Rommel? Bien entendu. Et les deux premiers trésors ont été vraiment retrouvés? D'après Flegg, toujours, oui. Il est donc libéré, part aussitôt pour Hambourg, où il suit un stage de scaphandrier. Puis il demande un visa pour se rendre en Corse. Bah, tout ça se tient, non? Et pourtant, Monsieur Penaud, c'est encore une invention pure et simple. En juillet 1982, la revue Historia publie un gros dossier sur le trésor de Rommel. J'en extrais ces quelques lignes publiées par un homme qui semble très bien connaître l'affaire, mais qui écrit sous un pseudonyme. En 1951, affirme cet auteur, Flegg donne une nouvelle version de l'immersion du trésor. C'est à la Spezia même que le 17 septembre 1943 aurait été chargé le trésor sur la vedette de Dahl pour être remis à des navires allemands de Bastia. Mais quand la vedette arrive dans le port corse, celui-ci est sous le feu actif d'un bombardement allié. Impossible donc d'approcher et Dahl, après un rapide conseil avec ses officiers, décide d'aller plus au sud pour immerger le précieux butin selon les ordres reçus. Après avoir livré ce nouveau scoop pimenté et d'ailleurs largement exploité dans les journaux, Flegg disparaît encore. Mais le mythe du trésor de Rommel est lancé et plusieurs tentatives de récupération sont effectuées, toutes sans succès, et sous le signe d'une étrange malchance. Le yacht Starlena, parti à la conquête du trésor en 1952, est éventré en plein port de Bastia par une fausse manœuvre du courrier Sampiero Corse. Le fiancé du Gitan, autre yacht à même destination, récemment révisé, est bloqué irrémédiablement par des avaries que personne ne parvient à réparer. quelque parrain de la mafia se cachait-il derrière ces fâcheux incidents? Ou alors, le clan des demi-soldes SS? Et pourquoi ce prétendu Flegg ne cesse-t-il de mentir? Pour son avocat, c'est clair. Flegg se méfie de tout le monde. Il a peur qu'on lui vole son trésor? C'est cela. Enfin, j'en suis persuadé. Alors, il raconte n'importe quoi pour éloigner les envieux. Mais comme il ne désespère pas d'intéresser un jour un partenaire sérieux, il se débrouille toujours pour glisser dans ses mensonges un zeste de vérité. Ouais. Ben, enfin, le premier partenaire sérieux, c'était quand même le gouvernement français, non? Oui et non. Sur le plan des moyens, sûrement. Mais sur le plan de la confiance, non. Flegg a très vite compris que si le trésor était retrouvé, les autorités françaises ne lui laisseraient que des miettes. C'est pour ça qu'il a joué cette comédie au sud de Bastia, à un endroit où il savait pertinemment que le trésor ne se trouvait pas. Et avec Kilbracken, c'est ça. Il noue une relation de confiance? Je le pense, oui. Le journaliste anglais, malgré la cascade de mensonges qu'il a entendus, croit lui aussi qu'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire. Et sous les auspices de l'avocat de Flegg, il signe un contrat. Une association afin d'aller récupérer le trésor ensemble? Une association, oui. Mais il n'est pas question d'aller ensemble en Corse. Flegg refuse obstinément de remettre les pieds sur l'île de Beauté. Et c'est donc qu'il n'en a pas gardé de très bons souvenirs. Ou qu'il a peur d'y rencontrer des personnes qui, espère-t-il, ont fini par l'oublier ou le croire réellement mort. On est alors en quelle année? Au début des années 60, si je me souviens bien. Et Kilbracken va procéder à des recherches? Oui, il s'entoure de gens très capables. D'abord un as de la plongée sous-marine, Robert Stenuit, qui lui a déjà découvert de vrais trésors. Et ensuite un inventeur assez génial, Edwin Link, l'Américain qui a inventé les simulateurs de vol. J'ajoute que le bateau qu'ils vont utiliser est bourré de matériel de détection. Ah, donc ils partent avec le maximum de chances de succès. Sans aucun doute. Et alors? Eh bien, malgré quelques fausses alertes, ils ne découvrent rien. Et pourquoi? Flegg, le mythomane, leur a encore donné de fausses indications? Des indications géographiques incomplètes, c'est certain. Mais il y a surtout le fait que la zone à explorer est trop vaste. Et même avec les appareils les plus sophistiqués, ça revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Vous avez aussi parlé d'indications géographiques incomplètes. Oui, parce que ce que ne leur a pas dit Flegg, c'est qu'il y a deux lieux d'immersion. Ça veut dire qu'il n'était toujours pas en confiance, alors? Sans doute. Et quand j'ai appris cette affaire un peu plus tard, j'ai tout de suite compris. Ah, compris quoi? Tout tenait à la personnalité de Kilbracken. Certes, c'était un journaliste, mais il avait aussi un peu flirté avec les services secrets de son pays. Et Flegg en a sans doute été informé. Et il s'est méfié. Je l'imagine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme qui va découvrir la vérité a lui aussi bourlingué dans les milieux du renseignement. Bah, décidément. Oui, mais c'est sans doute parce que cet homme a reçu une excellente formation d'agent qu'il a réussi à acculer Flegg au bout de ses mensonges et à lui faire avouer la vérité. Mais ça va prendre plusieurs années. Et qui est cet homme, hein? Bah, je suis peut-être un peu embarrassé. Je ne me sens pas vraiment le droit de donner son nom, même si je crois qu'il a publié un récit de ses aventures dans une revue. Mais s'il veut me contacter à travers vous, je donnerai volontiers son nom et je rendrai ainsi à César ce qui appartient à César. D'accord, nous verrons bien. Alors, comment on va l'appeler? Bah, disons Daniel, par exemple. Depuis les recherches effectuées par Kilbracken et son équipe, beaucoup d'années ont passé. Et Daniel, sans doute par goût de l'aventure, décide de s'intéresser à cette histoire de trésor. Et comme journaliste anglais, il retrouve le prétendu Peter Flegg en Allemagne. J'ajoute qu'avant de le rencontrer, Daniel a pris soin de tout lire sur le sujet. Ah, et c'est donc Flegg ment plus souvent qu'il ne dit la vérité. Exactement. Enfin, force de patience et d'intelligence, il va reconstituer toute l'histoire. Ah, je vous écoute alors. La vraie histoire, hein? Ouais, la première partie de l'histoire est vraie. Le trésor faussement attribué à Rommel se trouvait bien en Corse en septembre 1943. Il avait été convoyé depuis la côte africaine par le lieutenant-colonel Dahl et deux autres SS, dont un certain Peter Flegg. Un autre? Bien sûr que non. Le vrai Peter Flegg. Enfin, laissez-moi poursuivre. La Corse vit alors ses derniers jours d'occupation. Dahl prend la décision de transférer le trésor en Italie. Il fait charger deux camions qui contiennent les caisses sur une barge et il donne l'ordre d'embarquer. Mais au large, la marine alliée veille. Impossible de passer. Oui, alors Dahl, en attendant que la voie soit libre, fait des ronds dans l'eau le long de la côte corse. Mais un avion allié repère la barge et la bombarde. Que se passe-t-il? Je ne sais pas exactement. Mais l'un des deux camions tombe à l'eau à peu près à la perpendiculaire de l'embouchure du Golo. Donc au sud de Bastia. Et donc dans la zone où plus tard Kilbracken et ses amis feront des recherches. Puis la barge remonte la côte vers le nord, elle dépasse Bastia, et là, pensant sans doute que le bâtiment va être pris par la marine alliée, Dahl donne l'ordre d'immerger le deuxième camion, celui qui contient le butin le plus précieux. Pour le soustraire aux alliés? Et avec l'intention de venir le renflouer plus tard, après la victoire allemande. Car ces SS y croient encore. En tout cas, Dahl note sur une carte sous-marine l'emplacement très précis de l'endroit où a été immergé le camion. Mais ce que les SS ne pouvaient pas prévoir, c'est que la voie se libérerait bientôt. et qu'ils auraient pu convoyer leur trésor jusqu'à la Spezia. Ouais. Et leur accueil sur la côte italienne est conforme au récit de Flegg ? Oui, ils vont être jugés, condamnés et exécutés. Mais le pseudo Flegg a omis un détail capital. C'était qu'il était membre de la police militaire qui a arrêté les trois hommes. Ça change tout, n'est-ce pas ? Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il a assisté aux interrogatoires et même au procès. Il connaît donc une partie du secret. Oui, mais pas l'emplacement des deux immersions. Détrompez-vous. Il va se débrouiller pour accéder aux affaires personnelles des accusés. Et il va dérober ou copier, ça je n'en sais rien, la fameuse carte sous-marine de Dahl. Vous commencez à y voir clair ? Oui, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le pseudo Flegg va usurper l'identité du vrai, celui qui a été fusillé. Et pour donner de la crédibilité à son récit, tout simplement, le vrai Peter Flegg était un scaphandrier qui travaillait à la Spezia et qui, en tant que tchèque des Sudètes, avait été enrôlé par le lieutenant-colonel Dahl. En prenant son identité, le faux Flegg, qui était en réalité d'origine swabe, accréditait toute l'histoire, puisqu'il affirmait avoir vu de ses yeux le trésor et assisté à son immersion. Ouais. Ah, mais je commence à comprendre. Il pouvait passer sous silence l'existence de la carte sous-marine ? Bien sûr. Ça, c'était son bien le plus précieux, son sésame. Alors, votre Daniel, muni de tous ces renseignements, va plonger à son tour. Oui, mais non sans avoir passé auparavant lui aussi un contrat en bonne et due forme avec le pseudo Flegg. Et comment se passent ces nouvelles recherches ? Mais Daniel choisit de fouiller au large de Cap Corse. Là où le butin le plus précieux aurait été immergé. Et il va passer très près du but. C'est-à-dire ? Un jour où il était en veine de confidence, Flegg lui a avoué qu'il avait procédé autrefois en 1948 à des plongées dans ce secteur. Oui, ces fameuses plongées du week-end, là, oui. Avec sa bonne amie. Et au cours d'une de ces plongées, il a vu le camion et les caisses. Pas très loin, il y avait l'épave d'un avion allié abattu par la DCA allemande. Une épave dont il donne une description très précise. Or, lors de l'une de ses plongées, Daniel tombe sur cette épave. Le camion et les caisses sont donc tout près. En principe, oui. Mais Daniel ne trouve rien. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les caisses auraient pu s'enfoncer dans le sable ou la vase ? Tout à fait possible, mais à mon avis, ce n'est pas la bonne explication. Alors, quelle est cette bonne explication ? Flegg plonge en 1948, repère le camion. Est-ce que vous pensez qu'il va attendre plus de 30 ans avant d'aller récupérer le trésor ? Bon, ça me paraît difficile de le croire. Je suis persuadé qu'à un moment ou un autre, Flegg est revenu clandestinement en Corse et qu'avec l'aide de quelques compagnons, il a renfloué les caisses. Oui, mais est-ce qu'il donnait l'impression d'être un homme riche ? Pas du tout, ou alors il donnait le change, ou il s'était fait escroquer par les hommes qui l'avaient aidé. Les filous, vous le savez bien, attirent les filous. Peut-être. Il reste à expliquer, si la thèse de M. X est la bonne, pourquoi Flegg, après avoir récupéré le trésor, aurait continué à participer, même de loin, à des recherches. Quant à l'explication des mensonges successifs du pseudo Flegg, je vous donne la thèse de Jean-François Serre exposée dans son ouvrage sur le trésor de Rommel. L'écrivain affirme que sous des apparences un peu frustes, Flegg était rusé, et méfiant. À chaque fois, il a lâché le moins d'informations pour bien prendre le temps de voir comment se comportaient les gens et, remarque cet auteur, l'expérience lui a donné raison. À samedi prochain, je vous rappelle que désormais sur notre site internet, vous pouvez écouter, réécouter cette émission ou obtenir des renseignements bibliographiques ou encore nous écrire www.franceinter.com. Merci à Patrick Pédon, on le retrouvera bien sûr samedi prochain, toujours sur France Inter. Dans quelques instants, vous retrouverez toute l'équipe d'Hexagonale Poursuite jusqu'à 16h. Petite dégustation de tarte aux pommes. Ça y est, votre tarte est prête à sortir du four. Vous êtes fiers. Vos pommes ont bien caramélisé grâce au sucre saupoudré juste avant la cuisson. Oh, mais chaud. Remarquez, on peut aussi la savourer tiède, c'est encore meilleur. Bref, mangez des pommes et retrouvez-les toutes en magasin. Et qu'avec l'aide de quelques compagnons, il a renfloué les caisses. Oui, mais est-ce qu'il donnait l'impression d'être un homme riche ? Pas du tout, ou alors il donnait le change, ou il s'était fait escroquer par les hommes qui l'avaient aidé. Les filous, vous le savez bien, attirent les filous. Peut-être. Il reste à expliquer, si la thèse de M. X est la bonne, pourquoi Flegg, après avoir récupéré le trésor, aurait continué à participer, même de loin, à des recherches. Quant à l'explication des mensonges successifs du pseudo Flegg,